Eh bien, vieux scélérat, c'est à moi que vous devez cela. Que ferez-vous pour moi? Tout ce que tu voudras. Eh bien, ne vous opposez pas à mon mariage avec votre frère. Toi, la maréchale Hulot? Toi, comtesse de Pforzheim? S'écria Hector surpris. Adeline est bien baronne, répliqua d'un ton aigre et formidable la bête. Écoutez, vieux libertin, vous savez où en sont vos affaires. Votre famille peut se voir sans pain et dans la boue. C'est ma terreur, dit Hulot saisi. Si votre frère meurt, qui soutiendra votre femme, votre fille? La veuve d'un maréchal de France peut obtenir au moins 6 000 francs de pension, n'est-ce pas? Eh bien, je ne me marie que pour assurer du pain à votre fille et à votre femme, vieille insensée. Je n'apercevais pas ce résultat, dit le baron. Je prêcherai mon frère, car nous sommes sûrs de toi. Dis à mon ange que ma vie est à elle.